culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En seulement 6 films, Jacques Tati a inventé un style de cinéma, un univers graphique, sonore et poétique unique. Né sous le nom de Jacques Tati-Chef en 1908, il commença par préparer l'école des arts et métiers pour devenir encadreur de tableaux, comme son père, avant de choisir, au grand dam de ce dernier, le métier de mime. Après s'être produit sur des scènes de music-hall dans les années 30, il eut très vite l'idée de porter ses numéros à l'écran. En 1947, jour de fête, son premier long-métrage fut un succès. Suivront Les vacances de Monsieur Hulot en 1953, puis Mon oncle en 1958, qui reçut l'Oscar du meilleur film étranger. 9 ans plus tard, la sortie de Playtime, tournée avec un budget colossal, était très attendue. Le film fut hélas un échec sur le plan commercial, dont le cinéaste dut subir les conséquences jusqu'à la fin de sa carrière. En 1971, il se résigna pour Trafic à remettre en scène le personnage de Hulot et réalisa enfin en 1973 Parade, une succession de numéros filmés tournés en vidéo. En 1977, alors que plusieurs de ses films étaient repris en salle, il était l'invité de Claude Jean-Philippe pour 2 volets du cinéma des cinéastes. On attendait la ressortie prochaine de Mon oncle et celle de Playtime, dont Tati espérait qu'il serait montré dans sa version longue, originale. Là, les exploitants lui demandèrent l'année suivante de couper encore davantage, et il faudra attendre la restauration opérée en 2002 pour qu'on puisse redécouvrir le chef-d'œuvre dans une version quasi complète. Le cinéma des cinéastes avec Jacques Tati, 2 émissions diffusées pour la première fois sur France Culture les 17 et 24 avril 1977. Le cinéma des cinéastes, c'est aussi bien entendu celui des spectateurs. Ou plutôt cela devrait être celui des spectateurs. Cette émission n'a pas d'autre ambition que de faire tomber la barrière, le faux écran qui nous sépare du cinéma tel qu'il est vécu journellement par ceux qui en font. Du cinéma tel qu'il s'éprouve. Je veux dire, comme preuve et comme émotion, chaque fois qu'un homme ou une femme braque une caméra pour isoler un pan de la réalité. Le cinéma des cinéastes tentera donc de nous faire partager un peu de cette intimité où naissent les images et les sons des films à venir. Au-delà, et en deçà de l'analyse et du jugement critique, nos libres conversations avec les cinéastes comme avec les spectateurs chercheront à tisser les liens d'une vraie complicité et pourquoi pas d'une connivence sans laquelle il n'y a pas de connaissance d'une personne ou d'une œuvre. Alors Jacques Tati, je suis vraiment très heureux de vous accueillir au cinéma des cinéastes. Voilà quelques semaines que je promets aux éditeurs de... un entretien avec vous, et c'est un entretien d'autant plus merveilleux que ces auditeurs sont des spectateurs et qu'ils ont en tête pour beaucoup d'entre eux Jour de fête qui est sorti il y a quelques semaines, Les vacances qui sont en cours d'exploitation comme on dit, bientôt Mon oncle qu'on n'a pas vu depuis des années, et Playtime bien sûr. Alors première question, est-ce qu'on verra la version intégrale de Playtime? Ben, c'est ce que... Oui, j'aimerais beaucoup. Parce que, en fait, si vous voulez, on m'a fait, pour des raisons commerciales, disons, couper le film. Et il y a une chose qui va vous intéresser, j'en suis sûr, c'est que plus on coupe le film, c'est-à-dire plus on réduit, plus il paraît long. Ça m'étonne pas du tout. Parce que, il paraît long parce que c'est la technique même, c'est... La façon, c'est une façon, je ne dis pas que ce soit la meilleure, mais enfin c'est la mienne, c'est une façon de s'exprimer. Donc vous êtes dans l'obligation de faire voir une image, et dans cette image, de faire manœuvrer vos personnages. Bien. Alors il est certain qu'il faut le temps de regarder le décor pour pouvoir ces personnages manœuvrer dans ce décor. Il manque une construction dramatique. Mais est-ce que le cinéma a toujours eu besoin d'une construction dramatique? J'en suis pas sûr. C'est un ballet. Bon, alors, les gens passent. Je vous donnerai, si vous voulez, un peu plus tard, des explications sur la façon dont est construit ce ballet. Et je ne vois pas, moi j'ai revu, vous m'en parlez, je vous le dis, on organisait un gala à Lausanne avec la version originale des Grâces, donc de Playtime, et personne n'a parlé de longueur. Vous me direz que j'ai eu le droit, avant le film, de parler pendant 3 ou 4 minutes pour essayer de dire ce que j'avais voulu faire. Ce qui est le principe même, dans une exposition de peinture, d'avoir une préface. Bon, il est certain que beaucoup de gens ne comprendraient pas, beaucoup de peintres, si avant, dans le catalogue de l'exposition, on n'est pas donné un peu la clé pour rentrer dans ce que le peintre a voulu raconter. Vous m'avez dit un jour au Festival de Moscou qu'on était en train de construire votre décor à la Défense. Ah oui. Ils ont tourné Playtime. Moi, il a fallu que dépenser. On a cru que j'avais dépensé beaucoup d'argent, que je faisais des choses insensées. Or, pas du tout. Il a fallu que l'on construise la Défense avant que, en fait, les architectes se penchent sur le problème. Alors maintenant que ce décor existe, maintenant qu'il y a également un autre building très important qui est la Tour Montparnasse, et maintenant que tout le long de la Seine, l'usine Citroën retrouve l'architecture, en fait, de la Défense, quand on va avoir bien terminé ça, je vais peut-être commencer à pouvoir raconter mon histoire. Oui, et dans un temps que je suis persuadé, maintenant, les gens sont prêts à recevoir, parce que c'était un rythme et un tempo qui était effectivement, 10 ans auparavant, celui que les gens sont aujourd'hui prêts à recevoir. Alors moi, je voudrais remonter plus loin. C'est une émission dans la mesure où on va avoir l'ensemble de votre œuvre dans l'espace d'une année. Je voudrais remonter plus loin et vous poser une question quand même que j'ai envie de vous poser depuis longtemps, c'est comment vous est venue votre vocation de cinéaste ? Parce qu'on sait, on connaît votre passé, on sait que dans les années 30, vous avez fait des numéros de pantomime au Music Hall pendant... J'ai commencé en 34 quand même, là, vous me vieillissez de 4 ans. J'ai dit dans les années 30. Ouais, dans les années 30, j'ai pas dit dans l'année 30. Avant. Et vrai, j'ai pas fait attendre. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Et la chose que je voudrais savoir, c'est l'envie de cinéma que vous aviez. Elle remonte à quand et comment elle se formulait dans votre tête quand vous étiez jeune? Bon, si vous voulez, j'ai suivi un peu l'évolution des comiques américains qui venaient du Music Hall, comme moi j'étais au Music Hall. Et en voyant leurs films, je me suis rendu compte que sur une scène, je ne pouvais pas demander des chevaux, un train, des voitures, et que l'effet comique, par les objets que ce comique emploie, permettait d'autres effets que ce très restreint d'une piste de cirque ou d'une scène de music hall. Donc, j'ai commencé doucement, je dois dire, à faire, essayer de m'exprimer avec la pellicule en me servant de ce que tout le cinéma peut apporter à un cinéaste au point de vue, si vous voulez, matériel mis à sa disposition pour obtenir un certain rire. Avant Jour de fête, vous n'êtes pas metteur en scène des courtes bandes comiques que vous faites. C'est-à-dire que je crois que c'est René Clément qui a fait la réalisation de Soigne ton gauche. Oui, c'est le premier film de... Enfin, je suis le premier producteur de Clément. C'est ça. Bon. Mais avant, j'avais fait un film qui s'appelait Oscar, champion de tennis, dont on n'a jamais pu retrouver un mètre de pellicule. Heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le film était très mauvais. Bon, donc, ce qui permet à de jeunes cinéastes aujourd'hui qui font des courts-métrages de ne pas s'affoler lorsqu'ils font un premier mauvais court-métrage. Ce premier court-métrage, c'est d'ailleurs pourquoi il a été arrêté en cours de route, il n'a jamais été terminé. Mais en fait, je crois que c'était tellement mauvais qui vous ferait peut-être même presque rire aujourd'hui, enfin peut-être moi aussi. Oui, parce que ça fait partie de ça, oui. Parce que on ne sait pas. Il y a des proportions et des dimensions. Bon, donc le fait que ce soit un peu tiré par les cheveux, que les effets comiques soient très enfantins et la technique aussi, ça pourrait peut-être faire aujourd'hui vis-à-vis des jeunes cinéastes qui aiment bien les films comiques un effet supplémentaire. Mais est-ce que vous sentiez un très grand désir d'être cinéaste et de renouer avec la grande tradition américaine ? Oui, parce que si vous voulez, étant donné que moi déjà dans mes pantomimes, j'étais déjà un peu branché plus sur l'observation que sur les faits purement comiques. Alors, le fait d'essayer ce que les Américains n'ont pas fait, alors ça je m'excuse, même Keaton l'a connu, j'étais très ami avec lui, d'essayer d'apporter autre chose que les faits purs et simples venant directement du music hall, d'essayer de faire un peu observer les spectateurs en même temps que moi faisant partie de mon observation, qui existe déjà un peu, même dans Soigne ton gauche, ou même dans l'école des facteurs. Et alors surtout, le départ de tout ça, c'est Jour de fête, qui est en fait Jour de fête est tourné avec une grande vérité d'observation sur le village. Absolument, oui. Moi, je l'ai revu tout à fait récemment, et c'est ce qui me frappe le plus. Et il me semble, d'ailleurs, c'est ce qui fait que, en dehors du fait que les gens rient, bien sûr, et qu'ils continuent de rire, il se passe quelque chose de plus aujourd'hui, quand on voit le film. Il est évident que l'élément d'observation et l'élément poétique, puisque c'est entièrement lié chez vous, prennent le pas. Enfin, par exemple, il y a un plan, moi, qui m'a beaucoup frappé en le revoyant dans le Jour de fête, c'est le plan du camion en forain avec les chevaux au premier plan et derrière l'enfant qui suit en oui, en comme si vous voulez, un bon exemple, si vous voulez, parce que je le connais, enfin. Bon, c'est ce monsieur, ce paysan qui vient chercher un chemisier que l'on a spécialement repassé pour la fête et qui a énormément de mal à monter dans son chariot où il a l'habitude de transporter du fumier. Il est à ce moment-là le chemisier de sa femme ou de sa fille, on ne sait pas, prend une importance capitale. L'objet devient à ce moment-là un personnage très important. Et je vois aujourd'hui que j'ai revu le film avec je me cache derrière les spectateurs. Et j'ai vu que ça portait énormément. Pourquoi ? Parce que c'est un sourire, et de temps en temps c'est un rire, mais c'est un rire ce sont des spectateurs qui ont compris, en fait, l'intention qu'il y avait, justement, de défendre un très joli petit corsage. L'ambiance de Jour de fête, ce village, vous l'aviez connu dans quelles circonstances dans votre propre vie ? Bon, c'est-à-dire que j'avais été requis par les Allemands en 43, et puis je m'étais évadé et j'ai été me réfugier au Marembert, qui est à 6 km de Saint-Sever où j'ai tourné Jour de fête. Et puis là j'étais surpris parce que il y avait la guerre, mais on avait l'impression que à l'intérieur même de Saint-Sever on ne s'en apercevait pas du tout. Et par suite de ce contact que j'ai eu avec les habitants, c'est quand même formidable de voir des gens qui savent vivre. Et un jour, si je fais un film, je viendrai le tourner là. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu la possibilité de réaliser Jour de fête, je me suis repenché sur ce problème simple qu'avaient ces gens pour faire un film simple. Alors, il y a des choses, que quand on revoit Jour de fête, il y a des toutes petites choses tout à fait extraordinaires qui sont reprises d'ailleurs par la suite. Il y a en particulier, sur le plan du comique, une chose qui m'a frappé en le revoyant, c'est quand le facteur, bon, c'est très drôle quand le facteur installe le mât, hein, il y a toute une série de gags, presque classiques, d'installation du mât. Mais alors, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est quand il explique ensuite, en plan général, quand il explique ensuite aux autres son aventure et qu'on le voit mimer pour les autres, la pose du mât. Bah oui, c'est-à-dire, si vous voulez, moi, j'ai toujours essayé. Enfin, bon, on fait des essais, on les réussit ou on les réussit pas. Enfin, c'est la même chose. Si on cherche un nouveau modèle de voiture, on n'est pas certain que ce modèle fasse plaisir et soit utilisé. Mais si vous voulez, c'est pour donner de la vérité. Parce que, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai, oui, c'est ça. Ça se passe pas toujours comme ça au cinéma. Mais en réalité, un type qui vient de réaliser un certain exploit, disons, physique, puis qui a eu des problèmes dans le camp avec un mât, n'arrête pas de raconter ça à tous les gens qu'il va rencontrer et qui l'environnent. Donc, si vous voulez, c'est pour justement faire voir que ce n'était pas qu'un effet comique avec un mât, mais que c'était bien dans son intention et qu'en fait, cette histoire a beaucoup travaillé le personnage qui est, à ce moment précis, le facteur. Oui, alors c'est repris dans Hulot, puisque dans Hulot, quand il cette espèce de gag totalement miraculeux où il disparaît dans l'eau après avoir... Vous savez mieux que personne. Ouais. Quand je crois que d'ailleurs que vous êtes fait mal en faisant réalisant ce gag, en sautant sur cette espèce de filin tendu qui vous jette dans l'eau. Oui, c'est ça. Alors pour donner, car en fait c'est quelque chose qui peut arriver. C'est un effet qui peut arriver, qui peut vous arriver. Vous pouvez passer si vous passez entre deux voitures et qu'un câble se tend au moment où vous passez. Ce câble vous éjecte, c'est sûr. Bon, alors ce qui ramène une certaine vérité à l'effet, c'est justement l'explication après comment cela a pu se passer. Ce que je deviens prétentieux en devenant mon avocat, ce qui n'a jamais existé dans un film comique américain. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on n'a jamais... Le comique américain est venu en disant « je vais essayer d'être drôle et je suis drôle, donc je vais vous faire rire », mais n'a jamais essayé de se mettre au niveau de problèmes journaliers et rentrant dans une assez grande vérité. Les inventions de Chaplin, qui sont fabuleuses, sont des inventions... directement et fait directement pour le public, mais jamais en disant je connais un sous-directeur de banque, en sortant il s'est retrouvé avec sa voiture, il a coincé sa portière, il pouvait pas. Donc si vous voulez, moi j'ai toujours essayé de mettre l'effet comique dans la rue, sur les gens que je trouve, que je décide les plus qualifiés à réaliser l'effet comique. Oui, alors, dans Jour de fête, il y a une chose qui m'a frappé, et c'est encore plus vrai dans Hulot, ça va le devenir de plus en plus, c'est que le personnage central comique, qui est le facteur dans Jour de fête et Hulot dans Hulot, ce personnage est vu par un premier rang de spectateurs qui, en fait, sont les personnages du film. Mmh. C'est-à-dire, sont les personnages du village, d'un côté, et de l'autre côté, les vacanciers dans Monsieur Hulot. Mmh. Et c'est très très net dans un gag qui d'abord est un gag d'anthologie, le gag de la guêpe. Mmh. Le Hein. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on on voit le facteur sur son vélo avec qui se bat contre une guêpe qu'on ne voit pas et dont on entend le bruit. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il y ait au premier plan un paysan qui regarde. Oui. Ben oui, parce que moi, c'est ça la nouveauté. C'est ça. C'est vous tombez. Enfin, je suis plus mon avocat. Vous devenez le mien. Il est certain que ce que j'avais remarqué, moi, ce qui m'a fait évoluer, et Keaton l'avait dit, après les vacances du Loup, qu'en fait, dans un film comique, tous les gens réalisaient ce qu'on appelle des gags, parce que ça s'appelle comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et que personne sur l'écran ne s'apercevait, en fait, des intentions et des problèmes de quelqu'un, ou avec une voiture, ou avec une guêpe, ou avec un mât. Et que dans mon cas, j'ai toujours mis, non pas seulement les spectateurs, en leur disant, avec un clin d'œil, venez avec moi derrière une caméra, nous allons pouvoir voir différentes choses, mais j'ai déjà mis non seulement les spectateurs, mais les acteurs du film, en disant, bon, du moment qu'il y a un bateau qui se referme, et qui se coupe en deux, et que ce type est prisonnier de ce bateau, il est certain que les gens qui sont sur la plage doivent le voir comme nous. C'est donc ça. C'est ce que vous dites très juste, c'est apporter une plus grande réalité à l'effet comique. Bon, quand je parle de vérité, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Playtime, et ce qu'on m'a reproché, parce que j'avais effacé volontairement, attention, c'est pas volontairement, le personnage de Monsieur Hulot. Bon. Pourquoi ? Parce que je trouve que, en apportant l'effet comique, comme dans Playtime, qui est une possibilité à des jeunes cinéastes de s'exprimer, sans avoir à trouver un nouveau Keaton, ils auront beaucoup de mal à trouver, ou un nouveau Chaplin, ça sera encore plus difficile, d'apporter cette réalité qui existe dans les faits comiques. Je vous en donne la preuve. Lorsque le président Ford descend d'un véritable avion, on lui amène une véritable passerelle. Une vraie musique militaire joue une marche militaire. Et un vrai premier ministre vient l'attendre en bas de cette passerelle. Bon. Rire. Alors ça fait rire le monde entier. Pourquoi ? Parce que, en vérité, c'était un vrai président. C'était pas un acteur qui jouait le président des États-Unis, c'était le vrai président des États-Unis. Et cet effet a été reconnu à peu près dans le monde entier. Bon. Si, dans un film de Keaton, vous l'aviez vu rater la dernière marche d'une passerelle, qu'est-ce que vous auriez dit à vos amis ? J'ai vu le dernier film de Keaton, c'est pas terrible. D'habitude, je voyais des choses plus intéressantes. Là, bon, il descend d'une passerelle, il rate la dernière marche, pas extraordinaire. Bon, or que ce soit le président Ford, ça devient exceptionnel. Donc, j'ai été forcé de faire un peu marche arrière après Playtime, mais j'avais trouvé un certain style, disons, qui me donnait entière satisfaction. Du petit monsieur qui appuyait sur les boutons pour annoncer les arrivées, les gens qui venaient s'installer, qui demandaient des renseignements dans cet immeuble. Il en avait l'âge d'une part, il en avait les mains d'autre part, il hésitait, car il a hésité terriblement. Il y a une vérité dans le jeu de cet acteur qui hésitait vraiment d'appuyer sur ses boutons parce que c'était pas. Il était dépassé par les ingénieurs. Et on aurait voulu que ce soit Hulot qui appuie sur les boutons. Or, ce personnage le faisait beaucoup mieux que M. Hulot aurait pu le faire. Bon, c'est là où, dans ce que j'ai essayé de faire, pas tout réussi, et heureusement d'ailleurs, parce que je pourrais pas continuer. Si j'avais tout réussi, je pourrais pas continuer à faire deux films. Il y a des fautes d'orthographe dans ce que je fais, mais on est toujours fier de ces fautes d'orthographe. Et c'est justement là où ce personnage est, pour moi, est exceptionnel, parce que il est le vrai personnage, et le public a l'habitude de dire, après les vacances de Monsieur Hulot, après mon oncle, Monsieur Hulot va avoir des problèmes à appuyer sur des boutons dont il ne connaît pas le fonctionnement. Bon. Et c'est cette vérité que j'ai toujours essayé de défendre. Et je l'ai fait petit à petit. Cette bonne évolution est venue lentement, comme vous le dites. Oui, mais elle est déjà inscrite dès le premier film. Parce que ce qui est fabuleux dans Jour de fête, quand on le revoit revu, on ne peut pas revoir Jour de fête aujourd'hui sans penser à Playtime, enfin sans penser à la suite. Et il y a par exemple une chose qui est tout à fait étonnante aujourd'hui, c'est la modernité du son. Enfin, j'emploie des mots de critique. La modernité du son dans Jour de fête. Enfin, c'est la façon dont vous avez travaillé le son à cette époque-là était entièrement neuve dans tout le cinéma international. On se demande vraiment comment ce courage vous a appris de faire des choses aussi fines, dire parce que c'est pas un film muet, non. C'est pas du tout le refus du film muet comme autant de René Clair. Au contraire, le son est là et il a une terrible importance, mais il n'est pas du tout traité de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'entend pas tous les dialogues. Vous nous donnez exactement ce que vous avez envie de nous donner et ce petite chose qu'on entend. Par exemple, il y a une seule réplique nette d'un jour de fête et qui, à mon avis, est importante, c'est quand le facteur entre chez un type qui est très très très bien habillé et le facteur dit c'est la fête. Et alors que le type est en deuil, si cette réplique est nette, je crois qu'il y a une raison. Oui, parce que sans ça voudrait plus rien dire. Enfin, je veux dire, il fallait bien qu'il pense en le voyant mettre son faux col qu'il se préparait pour aller à la fête, or que c'est le facteur qui s'est trompé en s'apercevant que s'il remettait une chemise blanche avec une cravate noire, c'était pas du tout pour aller à la fête, c'est parce qu'il avait perdu un membre de sa famille. Bon, donc, c'était à ce moment-là, le dialogue avait son importance et l'obligation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin j'ai l'air de vous expliquer, et ça m'est difficile, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'explications. On fait un film, on a déjà raconté en faisant le film ce qu'on avait envie de raconter. C'est très difficile de le raconter après. Mais si vous prenez, alors, ce qui m'étonne le plus, enfin, moi, personnellement, et en qualité de cinéaste, disons, c'est le dialogue, le commentaire, dans les vacances de M. Hulot, au moment du bal masqué, où le Premier ministre fait un discours. Ah, c'est prodigieux. Bon, c'est prodigieux. Il y a 25 ans. Or, je peux, mais alors ça, et personne ne pourra me contredire, je peux l'adapter aujourd'hui, ce même dialogue, car c'est celui que j'ai entendu au moment des élections où tout le monde s'est entrebattu, disons. Parce qu'en fait, la France se bat, on ne sait pas pourquoi, en fin de compte. Elle défend beaucoup de choses, et puis elle oublie de défendre la personnalité, l'individu. Et je n'ai jamais entendu parler d'une certaine joie, et je n'ai jamais entendu quelqu'un défendre des enfants de 7 à 8 ans, en pensant que ce sont de grands observateurs qui ont envie de s'exprimer, et qui n'ont pas tellement envie d'entendre tous ces discours, qui ne sont pas tellement constructifs. Oui, alors, quand même, vous n'avez pas entièrement répondu à la question, parce qu'à vrai dire, j'ai fait un discours et je ne vous ai pas laissé parler, comme d'habitude font les journalistes. Mais ce travail sur le son, l'idée, vous en est venue comment? C'est devenu progressivement dans votre esprit? Oui, enfin, c'est parce que, ayant, si vous voulez, utilisé le dialogue, enfin, pour ce qu'il représentait, ce dialogue que moi j'entendais aussi bien dans une gare que dans un aéroport, que dans la rue ou que dans un café. J'ai stylisé le dialogue. En stylisant le dialogue, on n'entend que des petites phrases comme « on se prépare, c'est la fête ». Quand vous êtes dans un café, vous entendez deux bières. Bon, c'est ça. On ne sait pas pour qui sont les bières, on ne sait pas qui a commandé les bières. Ce n'est pas une construction dramatique. C'est juste une réalité dans l'emploi du dialogue que l'on sent souvent dans la rue. Bon. Alors, pour permettre cet effacement, cette suppression d'un dialogue, disons, important, dont le public a besoin dans un film sonore, il a besoin d'entendre le dialogue. Alors moi, je lui ai supprimé. Je lui ai simplement fait un peu, comme on appelle en peinture de l'impressionnisme, je suis parti un peu dans des impressions uniquement de dialogue qui m'amusent quand même, personnellement. Il a bien fallu que je redonne une balance. J'ai bien supprimé, et ça, j'ai réussi. Mais il fallait qu'en contrepartie, je dise, oui, mais si vous n'entendez pas tellement bien le dialogue, c'est parce qu'il y a la mer. Alors la mer, vous allez l'entendre, parce que quand vous arrivez sur une plage, peut-être que vous n'entendez que comme phrase, comme dans Les Vacances de Monsieur Hulot, « Oh, un coquillage !» Cette phrase n'a aucune construction littéraire, disons. Je ne suis pas un littéraire. Je suis un primaire. Un primaire qui regarde et qui essaie d'observer. Et d'entendre, parce que vous avez une oreille. Et d'entendre. Mais les animaux aussi entendent très bien. Enfin, je veux dire, oui. Ils ont des radars. Enfin, ça, c'est même chez les insectes, même, c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, bon. Donc, je ne voulais pas que je fasse des films pour les insectes. Parce que là, les jeux, ça marche déjà pas tellement formidablement bien. Là, on pourrait me reprocher beaucoup de choses. Qu'on me reproche déjà, d'ailleurs. Mais c'est bien cette balance que je voulais d'une certaine vérité de ma bande sonore. Et je crois, enfin, je veux dire, je vous le dis très ouvertement et amicalement, je suis rempli de joie parce que j'ai la chance, et j'aurais peut-être pu ne pas avoir cette chance, de voir 30 ans après Les Vacances de Monsieur Hulot, de 30 ans après de voir donc une nouvelle génération qui rit presque dans Les Vacances de Hulot, presque plus que lorsque le film est sorti, d'accepter d'apporter un peu de poésie à cette nouvelle génération qui est un peu perdue, de lui refaire voir des choses simples dont elle est attirée aujourd'hui, puisque leur grande joie, c'est de se retrouver à une dizaine dans une ferme et à essayer de faire pousser des carottes. Bon, donc cette joie, je l'ai, c'est fabuleux. Keaton l'a eu, Chaplin l'a. C'est fabuleux de pouvoir aujourd'hui rentrer dans une salle, de voir beaucoup de jeunes, parce que la clientèle qui va est très jeune, et de dire, bon, j'ai fait quelque chose qui est encore accepté. Et c'est là où je crois, où il y a une certaine importance, c'est que en utilisant le son comme je l'ai utilisé, ma bande sonore n'a pas vieilli. Enfin, je crois qu'elle reste, elle est là, elle est faite comme je voulais la faire. Et c'est pour moi, ça n'a pas de prix. Oui, je veux dire, bon, pas à peine de me parler de... Quand on me parle de mes problèmes financiers, en fait, je n'en ai pas. Je suis absolument remboursé de ce que j'ai fait. Je crois que ce que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes viennent trouver aujourd'hui dans votre film, parce que dans vos films, et j'en suis témoin puisque je travaille avec des collaborateurs qui ont 22, 24 ans, 27 ans et qui sont terriblement attachés à votre cinéma. Et je crois que eux saisissent d'emblée, sans préface, sans qu'on ait besoin d'expliquer, sans qu'on ait besoin de le leur expliquer, oui, votre souci de la durée. Qui est vrai de déjà dans Jour de Fête très nettement, puisque c'est vraiment une durée campagnarde assez émerveillante, et c'est encore plus vrai de Hulot. Et je me rappelle qu'à l'époque de Hulot, il y avait de grands débats en disant « Oh, les gags sont merveilleux, mais c'est un peu lent ». Or, actuellement, personne n'a plus envie de dire ça, là, aujourd'hui, je crois. Bah oui, parce que c'était, si vous voulez, c'était mon moyen d'expression. Bon, avec le temps... qui se charge toujours de remettre les choses au point, que ce soit en musique, en peinture, vous savez très bien. Bon, il y a eu la période de l'école de Barbizon. Aujourd'hui, si vous avez une toile, vous allez avoir du mal à passer 4 jours de vacances. Puis si vous avez un très beau tableau d'impressionniste, vous allez pouvoir vous acheter une propriété sur la Côte d'Azur. Donc le temps s'est toujours chargé d'en mettre les choses au point. Alors à l'époque, le cinéma soi-disant moderne demandait des mouvements de caméra. Le cinéaste s'exprimait par des panoramiques, des travelling. Et on me reprochait peut-être de ne pas savoir ce que c'était qu'un panoramique. Or que je sais très bien que si je prends une caméra et que je bouge ma caméra pour aller trouver quelqu'un qui se trouve à droite au lieu d'être à gauche, je vais faire un panoramique. Et si je dois me rapprocher, je vais faire automatiquement un travelling que je peux aujourd'hui faire avec un zoom. Bon, mais c'était pas, en fait, mon écriture. Mon écriture était justement de laisser l'image et de faire manœuvrer mes acteurs. Car on a effacé beaucoup de grands noms parmi les acteurs, justement par ces mouvements de caméra. On n'a pas eu le temps de les, on n'a même pas le temps de les voir. Alors ça s'est multiplié par la technique venant de la télévision, ou par moments, on a vraiment, moi personnellement, et je suis sûr que les jeunes doivent ressentir ça aussi, on a vraiment envie de dire, écoutez, arrêtez une seconde, que je puisse voir dans un match de rugby où se trouve le ballon, parce que vous me faites voir un match de rugby, je ne sais plus qui a le ballon. Alors, parce que on veut tout montrer, on veut montrer les expressions, la qualité des chaussures. En fait, si vous voulez, ça existe chez les skieurs quand il y a des départs de course. Bon, le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait voir. Il a un plan sur les lunettes, il a un plan sur les gants. On sent la nervosité de l'expression du coureur. On repasse sur les skis, on repasse sur les lunettes. On se passe. Puis en fin de compte, on finit par plus voir la course du tout. Alors, dans mon cas, moi, j'ai essayé évidemment qu'il y ait des mouvements de caméra dans mes films. Il y en a beaucoup dans Playtime, mais on ne doit pas les sentir. Ça ne sert pas à s'exprimer. Ce qui est important, c'est que ce soit les gens qui sont filmés qui aient le temps de s'exprimer. Alors, lorsque l'on a accepté cette... Je parle de dimension, c'est assez faux. Mais lorsqu'on a accepté ce moyen d'expression, on ne trouve plus ça très long du tout. Parce qu'il faut regarder le décor, il faut regarder pourquoi les gens sont là. Il faut apprendre un petit peu, et c'est ce que j'ai essayé de faire. La preuve en est, c'est que dans il y a des mots que j'ai du mal à employer parce que c'est pas vrai. Mais combien de gens je rencontre qui me disent « Nous avons été à Orly » où nous sommes retrouvés en vacances sur une petite plage, où nous avons été invités dans une maison moderne chez notre patron, et avec mon mari, nous sommes dit, il n'y a pas d'erreur, c'est du Tati. Bon, on me le dit à moi, c'est pas moi qui l'invente. Non, mais ça, je vais vous dire une chose. Alors, moi, c'est en sortant de Trafic que ça m'a le plus frappé, parce qu'il s'agissait de la rue des automobiles. Bon, je suis entré dans le cinéma des Champs-Élysées qui projetait Trafic tout à fait naturellement, sans remarquer ce qui m'entourait. Bon, j'ai fait la queue, je suis entré, j'ai vu votre film. Et j'étais avec une amie, et en sortant de Trafic, je puis vous assurer que sur les Champs-Élysées, on était pliés en deux de rire, en regardant les automobilistes qu'on ne regardait jamais. Oui. C'était que le film nous avait complètement libérés par rapport à des choses qui nous avaient ouvert les yeux. Donc vous faites un cinéma qui ouvre complètement les yeux du spectateur. Ça depuis le premier plan de Jour de Fête. Oui, ça, c'est ce que j'essaie en tous les cas. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour être un peu plus précis, disons, je reproche un peu, je reproche rien, mais enfin, ça me gêne un petit peu, des cinéastes qui se penchent sur une feuille blanche pour écrire un scénario à prétention amusante, et qui se disent, parce que ça devient très prétentieux à ce moment-là, beaucoup plus que mon cas que je défends, nous sommes très intelligents, Nous savons que le public ne l'est pas. Nous le savons. Il leur faut des choses assez grosses, importantes. Et nous allons nous pencher, nous, au niveau de ce public qui n'est pas très intelligent, mais dont nous connaissons les recettes pour le faire rire. Dans mon cas, il n'y a absolument aucune recette. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je suis surpris quand les films sortent. Je m'attendais à un gros rire là, je ne l'ai pas. Je m'attendais à un tout petit rire là. Bon, pourquoi ? Parce que j'ai toujours mis les spectateurs à mon niveau, c'est-à-dire d'essayer de leur apporter ce que moi, les effets me touchaient et me faisaient rire. C'est-à-dire que j'aime mes films comme un peintre aime sa toile, et même si c'est un mauvais peintre, il aime sa toile. Oui. Bon. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas toujours fait pour vendre sa toile, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'en ont jamais vendu, mais il aime, continue à aimer sa toile. Et je ne suis pas sûr, quand je fais un film, du succès. J'essaie de dire, j'essaie, évidemment que je suis content quand je les entends rire, puisque c'est mon propos. Mais je ne le fais jamais en me disant, bon, il est certain, si en courant après sa bicyclette, si le facteur avait en même temps perdu son pantalon, ça aurait fait un très gros rire dans la salle. Mais jamais je n'ai voulu accepter de compromis et de facilité vis-à-vis des spectateurs. Donc c'est un respect. Oui, alors, des spectateurs et aussi des personnages. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'un personnage qui nous a enchanté, moi et ma bande de copains, pendant toute notre jeunesse. On s'en parlait de ce personnage comme s'il existait réellement. On avait des rapports avec ce personnage qui n'est pas Hulot. On en parlera du Hulot peut-être tout à l'heure. C'est le personnage du serveur dans Les Vacances. Ce personnage qui est tout le temps pris dans une espèce de... Il est jamais content. Il marche des paroles qu'on n'entend pas dans sa barbe, mais il regarde les gens avec toujours une espèce de mauvaise humeur permanente. C'est un extra mal choisi. Oui, c'est un extra mal choisi. Alors, ce personnage qui, si on le rencontrait dans la vie, si on allait dans ce restaurant-là et qu'on se trouvait devant, on dirait, oh, ce type-là est antipathique. Et on le regarderait pas. Oui. Filmé par vous, longuement. Oui. Parce que vous le filmez longuement. Oui, je laisse. Il devient à la fois drôle et émouvant. Mais il est émouvant. Parce que comme il n'a pas tellement de qualités exceptionnelles pour servir rapidement, qu'il essaie quand même de faire ce qu'il peut, et que ça ne marche pas, donc il se fait... En fait, il se fait tout le temps houspiller, soit par les clients, soit par le patron. Il se retrouve dans une situation très délicate d'être l'auguste de soirée, en fait. Et sa rouspétance devient sympathique parce que on se dit, dans le fond, à sa place, je rouspéterai certainement aussi. On ne peut pas recevoir des coups de pied aux fesses toute la journée sans se dire, écoutez, je m'excuse, arrêtez un peu, parce que... Oui, alors, c'est quand même un de vos secrets, peut-être, enfin, c'est que vous nous faites vivre sur l'écran avec des gens qui, dans la vie... soit nous agace, soit nous ennuie, et qui, deviennent drôles. Et finalement, c'est une leçon, parce qu'on se dit qu'après tout, si on les regardait comme vous dans la vie, on s'amuserait aussi. Ah oui, bah ça c'est le... Vous savez, les gens qui veulent bien prendre un tout petit peu de temps pour observer, la vie est quand même plus agréable. Il se passe toujours quelque chose. Je ne suis pas là pour m'occuper des problèmes sérieux qui nous entourent. Les gens sont chargés de ça. Ils sont d'ailleurs très bien payés pour le faire. Et ils n'ont pas l'air tellement de réussir leur coup. Alors, je ne peux pas. Je ne vois pas ce que je pourrais leur apporter. Mais dans mon cas, c'est de dire, écoutez, les enfants, il y a des cours, il y a des classes, et puis vous avez 10 minutes de récréation. Moi, je fais partie... Je suis un organisateur de récréation. Alors, je vous donne des intentions. Regardez un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, peut-être qu'en observant, vous allez trouver d'autres personnages Et vous allez peut-être défendre à ce moment-là vous-même, vous, jeune, nouveau, que la gentillesse existe. Parce qu'en fait, être tout le temps pris dans cette vie ultra rapide, débordante d'activités, de fausses activités, en fait. On oublie et on ne regarde pas les gens qui vous entourent. Dans mon cas, je dis, si un serveur vous amène très gentiment à un café que vous avez commandé, qui vous apporte le sucre avec, qui vous demande si votre café est très chaud ou est assez chaud, donc vous êtes en contact avec un être humain. Ne le prenez pas pour le dernier des serveurs, parce que c'est très facile de dire, oui, bon, il y a là pour servir les cafés, qui servent les cafés. C'est pas vrai. Évidemment qu'il peut vous servir un café. Mais s'il le fait avec une certaine gentillesse, en essayant, lui, de vous rendre service, ce qui se fait souvent. Il y a un examen fabuleux, c'est dans les pompes à essence. Mais on devrait faire des petits documentaires pour faire voir justement quand un type vient, vous fait les carreaux, il demande rien, il vous dit l'huile, ça va. Enfin, je veux dire, il a l'air de s'occuper de votre voiture avec un certain diagnostic comme un toubib peut vous ausculter. Il y a une gentillesse. Alors, moi, le type que ça embête de me donner de l'essence, en somme, j'ai rien à en faire, puisqu'il est là pour me faire ça, et puis c'est tout. J'ai aucun contact avec lui. Mais faut pas non plus exagérer. Dans tout ce qui a été, moi je vous le dis, alors là, parce que ça rejoint quand même, je fais pas de politique, mais dans tout ce que j'ai entendu au moment des élections, jamais on ne m'a parlé de gentillesse. C'était Jacques Tati au micro de Claude Jean-Philippe dans Le cinéma des cinéastes, une émission diffusée pour la première fois le 17 avril 1977. Tout de suite, la deuxième partie de cet entretien diffusée une semaine plus tard. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. D'ailleurs, en fait, je vous la pose de manière à ce que vous me racontiez une histoire que vous m'avez racontée un jour et qui était sublime, qui était celle de vos rapports de vous, Jacques Tati, avec Monsieur Hulot. C'était la première fois que je vous avais rencontré. Vous étiez en train de monter trafic. Et vous m'aviez dit, tiens, Hulot est très bien dans celui-là. Alors, j'avais eu un haut le corps en disant, tout de même, Hulot est très bien, Hulot c'est lui. Il m'avait dit, non, Hulot c'est pas moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous m'aviez raconté cette séance de cinéma où vous aviez été un jour et où vous étiez trouvé à côté d'un spectateur. Ah oui, mais c'est plus visuel que radiophonique, en fait, si vous voulez, parce que moi j'aime bien, de temps en temps, rentrer dans une salle, et puis en fait, j'ai pas envie de... Puis on me reconnaît jamais, moi. Et j'étais rentré parce que je voulais avoir des réactions populaires des vacances de M. Hulot. J'ai pris un billet et je me suis retrouvé assis à côté d'un monsieur assez fort, important, enfin, bon vivant. Puis je suis rentré dans le noir, donc il n'y avait pas de problème. Et puis le film commençait, et quand Hulot commençait à être amusant, enfin, je veux dire. Et il a commencé à rire. Et il riait assez fort. Et tout en riant, il me poussait du coude. Et il me disait, oh le con. Oh non, c'est pas vrai. Oh le con. Bon, donc, ça m'a permis, j'en remercie énormément parce que ça m'a permis de ne pas me prendre trop au sérieux. Oui, d'accord, mais vous en concluiez d'ailleurs que Hulot, ce n'était pas vous. Ah oui. Parce que moi, j'étais presque en train de lui dire, c'est vrai, vous avez raison, il est vraiment con. oui, mais alors... Non, mais alors, qui est Monsieur Hulot? Parce que c'est une question qu'on s'est longtemps posée. Je veux dire, les gens de ma génération, à force de couper les cheveux en quatre, on a peut-être tort, on s'était demandé, mais enfin, ce personnage, qui est-il? Et même certains avaient été jusqu'à dire, Hulot, c'est le vent, puisque chaque fois qu'il ouvre la porte, le vent s'engouffre, c'est donc un être du vent. Non, c'est un lunaire, c'est un personnage qui est, si vous voulez, j'ai un peu, pas à 100%, mais j'ai un petit pourcentage du lotisme en moi. Mais d'un autre côté, pour exprimer les intentions de ce personnage qui est lunaire. Il le prouve puisque, d'une part, il a les pieds sur Terre, et d'autre part, il se rapproche de la Lune, ce qui lui donne sa démarche, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Une démarche d'un personnage lunaire. Bon, il essaie de rendre service. Donc, ça existe. Enfin, il y a une certaine vérité dans le personnage du loup, parce que les types se reconnaissent souvent. Mais là, il a, par exemple, une pudeur tout à fait à lui. Un des traits psychologiques du loup, c'est... quand il danse avec la jeune fille et que le dos de la jeune fille est nu et qu'il n'ose pas appuyer sa main sur le dos nu. Quand je le voyais en train de réfléchir, là, je m'inquiète. Non, il trouve simplement la bretelle sur la nuque de la jeune fille pour appuyer son doigt. Donc il y a quand même des traits psychologiques de Hulot. Oui, mais il y a beaucoup, même aujourd'hui, où tout doit se passer par suite d'une certaine... un certain érotisme, une certaine pornographie et tout ça, où tout ça ne compte plus du tout. Bon, ça met tout le monde dans une même catégorie. Mais c'est pas vrai. Vous avez de jeunes gens qui sont restés très pudiques. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie d'avoir un contact. Et c'est pas pour cela qu'ils n'ont pas le droit d'être amoureux de quelqu'un. Mais il y en a qui ouvrent la porte de la chambre sans frapper, et puis il y en a qui n'osent pas ouvrir toutes les portes de chambre et qui frappent, et je crois qu'il y a beaucoup de cinéastes qui devraient se demander et qui devraient hésiter avant de tourner s'ils ont le droit de rentrer sans avoir frappé, quoi, je veux dire. Alors, ceci dit, Hulot est pudique, mais enfin, on voit bien dans Les Vacances où c'est là qu'on le voit pour la première fois, donc c'est là qu'il se définit d'une certaine manière le mieux, c'est là d'ailleurs qu'on le voit le plus. C'est, il a dans le film des partisans et des adversaires. Oui, et on voit très bien quels sont ses partisans et ses adversaires. Il y a une vieille Anglaise charmante, délicieuse, qui est peinte. Elle arrive dans le film d'ailleurs sans qu'on et qui est toute joie, toute ouverture. Il a avec lui le vieux monsieur qui l'observe et puis qui finit par lui faire un signe de la main à la fin parce que... Eh bien, lui a laissé son adresse, d'ailleurs. il lui remet sa carte. C'est ça, il lui remet sa carte et les gosses. Et les gosses, oui. Alors, on voit très bien, par ses amis, qu'il est d'une certaine manière, non ? C'est-à-dire que, pour moi, l'enfance chez vous, c'est primordial, enfin, quand même. C'est quelque chose de... Oui, parce que moi, j'aime pas les types de mon âge qui disent « j'aime les jeunes ». Ah, ça m'embête terriblement. Parce que c'est une phrase. Et tout le monde peut le dire. N'importe quel président, n'importe quel premier ministre, toujours dire, moi j'aime beaucoup les jeunes. Ça veut rien dire. Et j'ai horreur de ça. Par contre, ce que j'aime, c'est d'avoir leurs problèmes. Et je les ai, ça. Alors là, je peux leur faire voir tous mes papiers. Ils ne seront pas surpris. Et en fait, de rester jeune, c'est ça qui est important. Évidemment, extérieurement, ça s'arrange pas et ça s'arrangera pas non plus. Mais intérieurement, terriblement. Intérieurement, moi, je suis prêt à partir avec des jeunes repeints d'une façade pour que on puisse monter une petite pièce de théâtre sympathique et recevoir les gens. Je reste dans mon métier très enthousiaste. D'ailleurs, je reçois énormément. Pourquoi les jeunes viennent me voir ? Parce qu'ils savent que Tati... On peut le trouver, il va bavarder, on va leur raconter notre histoire. Je ne leur dirai pas, je ne sais pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, car une nouvelle génération doit s'exprimer et n'a pas besoin d'autres gens pour leur tenir la main. Quand on est peintre, Picasso, personne ne lui a tenu la main, il a commencé à faire des croquis, puis après il a fait la peinture. Alors ce que je peux, moi, leur apporter, c'est de dire, les enfants, je vous en prie, commencer à travailler, je les défends d'ailleurs, même sur le plan du court-métrage, ensemble, parce que c'est vrai, c'est leur seul moyen d'expression. Ils sont dans l'obligation de faire des croquis avant de se lancer dans des grandes toiles. Or aujourd'hui, par l'imbécilité du financement des films, on les oblige tout de suite à trouver une vedette qui, elle, est très... et représente ce que l'on appelle dans notre jargon le cinéma des fauteuils. Alors si vous avez monsieur un tel, je ne citerai pas de nom, vous les connaissez comme moi, un tel, alors là on pourra peut-être faire... Alors on lance un type qui n'a pas eu le temps de faire ses classes, qui n'a pas eu le temps de se trouver un style, qui n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il pouvait faire avec une caméra, qui n'a pas eu le temps de s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur, on en fait un technicien qui ne laissera malheureusement rien, vous le savez très bien. Oui, vous parlez de la jeunesse, mais moi c'est de l'enfance dont vous avez déjà pas mal parlé au cours de cet entretien, mais il me semble que c'est considérable. Enfin, je veux dire que le plan du gosse avec la glace à la vanille, et la manière dont vous le suivez, tout son trajet jusqu'à l'autre gosse, et puis il n'y a pas d'effet comique. Si, on l'entrevoit derrière le marchand de glace, on a peur qu'il perde ses glaces, mais il ne se passe rien, il ne les perd pas, il les porte réellement à l'autre, et c'est deux enfants qui mangent des glaces. C'est pas plus ni moins que ça. D'accord. Bon, alors, il me semble que là, il y a de votre part une très grande tendresse, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que cette plage est vue par les yeux d'un enfant, d'une certaine manière, tout au long du film. Oui, enfin, peut-être qu'il aurait... C'était vu par lui uniquement, il n'aurait peut-être pas pu trouver tous les effets comiques. Enfin, je veux dire, peut-être que oui, ou peut-être que non. Mais évidemment qu'il y a ce... Vous prenez cet enfant avec les deux glaces, c'est donc basé là, en plein, sur l'observation. Parce que, croyez-moi, c'est pas le seul petit garçon qui se promène avec deux glaces et qui, en fait très attention de ne pas les renverser. Donc c'est là où l'acteur prend, pour moi, toute sa valeur, car il le fait très bien, et c'est très bien joué, et on sent qu'il a, et c'est ce qui touche et ce qui vous apporte une certaine tendresse, c'est que son problème existe, et il le fait bien voir. Oui, c'est ça. Et donc... Les spectateurs le ressentent aussi. Mais je parlais de l'ensemble de vos films, et plus on va, et il y a un film de vous que j'aime beaucoup, beaucoup, bien qu'il n'ait pas eu un immense succès, qu'on en ait relativement peu parlé, c'est Parade. Je trouve être un film totalement musical, totalement émerveillant, je pense à, bien sûr, à Playtime, enfin, et je pense qu'une des sources de vos difficultés, c'est d'avoir... parier sur l'émerveillement. Oui. Quand je pense à Playtime, moi, c'est un film qui est pour moi totalement émerveillé. Parce que vous dites la vérité, oui, mais Renoir disait, moi, si on montre au cinéma les mêmes gens que je peux rencontrer au café, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au café plutôt qu'au cinéma. D'abord, c'est plus confortable et on peut y consommer. Donc la vérité, le réalisme en soi, vous le savez bien, n'est pas une fin. Non. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de regarder les gens. Ouais. Alors là, c'est la morale dont on parlait dans l'entretien précédent, à savoir le fait que le serveur peut être intéressant, mais il y a un au-delà de cet intérêt qui est, alors, peut-être plus difficile à définir, peut-être par vous, qui est, moi j'appelle ça l'émerveillement. Ça serait l'étonnement, ce serait quoi ? Bon, parce que peut-être que je suis moi-même peut-être un peu émerveillé souvent de choses qui peuvent peut-être passer inaperçues. Et comme j'ai une petite déformation professionnelle à regarder tout ce qui m'entoure, je vois des choses que je trouve fabuleuses chez le comportement, le côté naturel des chiens qui n'ont pas changé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si vous prenez les chiens de mon oncle et vous les relâchez aujourd'hui dans la nature... Vous verrez qu'ils n'ont... D'abord, ils n'ont pas fait de politique. En plus, ils essaient de s'adapter à toutes ces inventions qui sont faites par les quatre premiers de la classe, car aujourd'hui, la vie moderne est dirigée par ces quatre premiers de la classe. Vous n'avez jamais été premier de votre classe. Non, je sais que je ne serai jamais. Enfin, ça... Même pas dans... Non, mais c'est merveilleux de ne pas être... Je crois qu'il ne faut aucun prix être dans les quatre premiers. C'est en ça que vous rejoignez Hulot, quand même. Comment ? C'est en ça que vous rejoignez Hulot, quoi. Oui, bravo, quoi. Qu'est-ce que c'est d'avoir autant de responsabilités ? Moi, si j'en ai une petite d'essayer d'amener un sourire, c'est pas quand même très prétentieux de dire, écoutez, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez, quand le rideau tombe, comme vous me l'avez dit pour Trafic, le rideau tombe, bon, que vous emportez un petit sourire qui se promène un peu et qui se prolonge un peu dans la vie courante. Bon. Oh, mais c'est plus qu'après le cinéma. Je veux dire que quand on s'est nourri un peu de vos films, quand on les a vus et revus, eh bien, vous disiez tout à l'heure c'est du Tati, mais il y a des moments où on se dit qu'est-ce que Tati penserait de ça. Les moments où on a envie de s'énerver, les moments où on a envie de céder à toutes les modes, à l'anxiété, à l'angoisse, etc. On se dit mais enfin, si on était Tati, ben on se verrait soi-même dans la situation, on verrait le premier rang de spectateurs qui est les personnages de votre vie autour de vous, et on relativiserait ça de manière telle qu'on finirait à la fois par en rire et à la fois par accepter que les choses soient ce qu'elles soient. Oui, moi j'accepte, si vous voulez, la différence qu'il y a. Je vais vous donner un exemple. Si moi j'arrive à Orly et que tout à coup l'hôtesse vienne annoncer qu'il va y avoir 20 minutes de retard, ce qui arrive assez souvent, enfin pas souvent, mais enfin ça peut arriver. Alors, d'un seul coup, vous voyez 80 personnes qui gesticulent parce que ces 80 minutes représentent une véritable catastrophe. Oui, c'est ça. Vous avez le type qui part à fond, can I get, give me London and telex and I want to talk to... Et puis vous avez l'hôtesse qui commence à perdre ses... Enfin, pas les perdre, mais le chien qu'elle s'était bien... J'ai beaucoup de mal à l'installer, commence à lâcher prise. Bon, petit à petit, j'en dis, mais alors ils nous attendent, est-ce qu'il va y avoir une annonce à Londres, parce qu'on m'attend, tout ça. Et alors moi, je reste, je m'installe confortablement, et je me dis, je vais peut-être voir le meilleur film de la semaine. Oui, c'est vrai. Bon, alors, bon, point d'interrogation, qui a raison, j'en sais rien, je peux pas dire que le type qui... Il a peut-être raison de s'énerver parce qu'il veut obtenir New York en telex, je sais pas ce qu'il peut leur raconter. Ça sera certainement... ça ne sera basé que sur un chiffre, ce qu'il va envoyer en telex. Il va dire d'acheter moins cher ou de vendre plus cher, enfin j'en sais rien. Bon. Donc, le fait de dire, ah bah là, il va se passer quelque chose, et c'est ça dans les restaurants. Car moi, je peux vous emmener dans les bistrots, hein, brasseries, surtout si c'est dans les brasseries que ça marche comme ça, où vous voyez des serveurs qui sont d'extraordinaires comédiens. Pourquoi ? Parce que ils doivent être polis avec les clients. Alors, il faut un numéro très soutenu, avec des gestes, en expliquant, parce que les gens demandent toujours comment c'est cuit. Alors le type dit, voilà, c'est mis au four, ressorti, nappé, c'est délicieux, enfin, bon. Et à ce moment-là, le type, on lui a appris à avoir une certaine distinction, sans ça, il n'aurait pas été pris comme bon serveur. Mais moi, je continue à le suivre. C'est là où intervient mon métier, enfin, je veux dire. Et je continue à le suivre et je m'aperçois que quand il arrive dans les... de la cuisine, c'est plus du tout le même personnage. Donc il est bon comédien puisqu'il peut jouer deux personnages. Il a un numéro de composition et un qui est beaucoup plus vrai. Et puis vous vous apercevez qu'il attrape les types par le revers en disant, mais vous rendez compte, vous me faites servir ça, il sent les plats en disant c'est pas cuit, je vais foutre. Et il revient de nouveau rejouer son premier personnage. Alors moi je préfère, et c'est là où est toute l'importance, je sais que les Français aiment bien la bonne nourriture, qui est de plus en plus difficile à trouver d'ailleurs dans les restaurants. Mais moi, je préfère bouffer dans un bistrot où c'est un peu moins bon et me régaler avec cette merveilleuse pièce de théâtre et ces merveilleux comédiens que de m'empoisonner dans un restaurant où il ne va rien se passer. Que d'avoir dans son plat peut-être une sole bien cuite, quoi, je veux dire. Ça peut faire. C'est-à-dire que pour vous, il se passe toujours quelque chose. Ah ben, il n'y a pas que pour moi. Moi, j'ai la joie de pouvoir m'en rendre compte. Ce qui me rend triste, c'est quand les gens ne voient pas des choses formidables parce qu'ils passent à côté. Il y a bien longtemps, je faisais du musical, j'ai pris le train, ce qu'on appelait le train bleu. Je commençais à avoir cette petite déformation. j'ai eu au régiment, d'ailleurs, déjà. Dans la cavalerie, j'ai passé des moments formidables, parce qu'il y a un tel décalage entre ce qui était un capitaine de cavalerie à l'époque, avec ses gants blancs, et celui qui était chargé de nettoyer le crottin. Bon, il y a déjà une construction dramatique qui est à la fois dramatique et comique. Mais dans ce train, il faisait une chaleur épouvantable, et à l'époque, il n'y avait pas d'air conditionné du tout. On ouvrait un peu les fenêtres, mais comme l'air était très chaud, ça n'avait pas tellement refroidi le wagon. Et il y avait un gros serveur qui transpirait. Alors, à un point fabuleux, quand il fait chaud, ce qu'ils font, ils boivent des petites bières un peu fraîches pour essayer. Mais alors là, c'est la catastrophe, parce que quand il fait chaud, si on boit de la bière froide, ça ne correspond pas à n'importe quel toubib. On va vous raconter comment ça se passe à l'intérieur, par moi, mais je sais que ça ne marche pas. Bon. Donc, il avait sa chemise trempée, et il servait des canards, parce que ça existe très souvent dans les wagons-restaurants, et le canard au petit pois. Bon. Alors, le canard était un peu éloigné dans le plat, mais les petits pois étaient très rapprochés de son ventre. Et il n'arrêtait pas de transpirer dans les petits pois. Bon. Alors je regardais, j'ai ces bizarres quand même. Je regardais les voyageurs, type très sérieux, impeccable, qui allait faire des affaires, vendre des terrains sur la côte, parlant théâtre, littérature, hein, quelques intellectuels, tout ça, très bien. J'ai dit, mais alors personne ne voit que ce type transpire dans les petits pois. Enfin, c'est quand même une certaine importance pour le choix. Et tout le monde se servait toujours avec des mondanités. Oui, vous avez raison, mon cher. Oui, mais évidemment, lorsque... Mais ça, la chose est possible, vous voyez, elle est même enviable. Enfin, bon, bon, tout. Et toujours ces petits pois. Et tout le monde se servait des petits pois. Bon. Alors, s'il est arrivé à moi... J'ai sauvé un bout de canard qui était vraiment à l'autre bout, enfin, qui lui n'avait pas pris d'averse du tout. Et puis il m'a présenté les petits pois, je lui ai dit non, je vous remercie beaucoup. Je ne crois pas que ce soit la saison. Bon. Alors il m'a regardé, il s'est dit mais pourquoi ce serait pas la... Enfin, il... j'avais l'air, en fait, du très mauvais client. Il disait mais saison ou pas saison, il ne sait peut-être pas que ce sont des boîtes de conserve qu'on ouvre à chaque fois qu'il y a un départ de train. Et il me regardait tout le temps en disant, mais pourquoi il m'a dit que c'était pas de la saison? Bon. Donc, c'est quand même fabuleux de penser qu'un train rempli de gens intelligents, enfin, je veux dire, puisque je reviens aux quatre premiers de la classe, c'est vrai qu'entre l'instruction et l'intelligence, il y a déjà un très grand pas. On peut être très instruit et puis... pour être très fin, enfin, je veux dire, moi j'ai entendu des conversations de gens très importants, et j'avoue avoir été très déçu. Mais, voilà, tous ces gens importants qui ont bouffé des petits pois à la soie. Bon, alors, c'est peut-être nécessaire de dire, écoutez les enfants, moi je vais vous faire un petit plan, là, où je vais vous faire voir que si on transpire trop dans les petits pois, faut peut-être mieux prendre autre chose. Ou attendre. Bon. Mais il a retranspiré dans les fromages. Forcément que lui, il avait dû boire une bière entre les petits pois et le fromage. Donc, de nouveau, il a retranspiré davantage. Et en fin de compte, il a fini par transpirer dans tout ce qui restait à servir. Eh bien, personne s'en était rendu compte. Alors, c'est là où je crois qu'il serait important pour des jeunes de leur faire, ne serait-ce qu'une demi-heure par mois, un cours basé sur l'observation. Oui. Ça les aiderait quand même à reconnaître les gens qui les entourent et pas mettre des étiquettes sur tout le monde en disant « Celui-là est patron, je veux pas entendre parler. » Ils peuvent tomber sur un patron qui est très gentil, comme sur un patron qui est une vraie peau de vache. Bon. Donc, il y a quand même un petit classement à faire. Et ce classement, pour moi, a une très grosse importance dans la façon dont, moi, personnellement, je vis. Oui, alors, voilà la façon dont vous vivez. Enfin, c'est quand même ce regard qui est porte le regard de l'observateur en même temps le regard de l'enfant, et ce qui crée peut-être cet équilibre entre la vérité et l'émerveillement. Mais il y a aussi une chose qu'on sait de vous, c'est que vous avez une réputation de perfectionniste, et c'est pas un reproche que je vais vous faire, dans la mesure où, tant mieux, enfin, si ça permet au film de tenir le coup 30 ans, 40 ans et maintenant pour toujours. Mais je voudrais savoir d'où vient cette envie que vous avez, par exemple, de modifier les films, vos films en cours d'exploitation. Parce que ben, je me rappelle avoir vu Trafic une fois, ou comment je pense Élysée, avoir, et puis me dire, bon, je reviendrai le revoir dans quelques semaines. Quelques semaines, je suis revenu, il manquait certains gags, vous en aviez rajouté d'autres. Vous êtes à peu près le seul réalisateur dans l'histoire du cinéma qui fait ça. Rajouter, je crois pas, je crois. Les plâtres, vous les aviez rajoutés, je crois. Oui, j'ai rajouté les plâtres parce que... à l'époque, je trouvais qu'on distribuait beaucoup de cadeaux, on donnait beaucoup de cadeaux. Dans les stations-service. Dans les stations-service. Et tout à coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, si on leur donnait des statues, qu'est-ce qu'ils en feraient? Je me suis dit, il faut absolument que ça fait partie de ce que j'ai fait. Il faut absolument que je fasse voir ça. Bon, donc j'ai demandé à l'époque au producteur d'Orman, écoutez, moi, je peux m'arranger avec un station-service et je voudrais vraiment que les gens se retrouvent avec... qu'on leur donne des plâtres, enfin des statues. Ça. Oui, mais alors le film était déjà en cours d'exploitation. Oui, il était en cours d'exploitation. Oui. Mais là, c'est tout à fait extraordinaire de faire des choses pareilles. Mais vous êtes à peu près le seul. Et ils avaient supprimé un gag, peut-être parce qu'il ne fonctionnait pas sur le public, qui était un gag que je trouvais merveilleux, qui était le gag des regards. Vous savez, il y a tout un jeu de regards pour trouver un objet. Je crois que c'est pour trouver une pipe. Et il y avait tout un système de regards par des lunettes, etc., qui permettait de retrouver la pipe. Dans Trafic. Un regard Oui, enfin, de... il faudrait que j'ai le film plus en tête que je ne l'ai. Moi, je l'ai, de toute façon. Vous pouvez... Allez-y, je vais vous... C'est-à-dire qu'il manquait un gag que j'aimais beaucoup et qui était un gag où personne n'a cherché un objet. C'était en Hollande, vous savez, c'est dans ce garage du Hollandais. Et il était guidé à la recherche de l'objet par tout un système de regards, c'est-à-dire des lunettes, des yeux, des phares d'automobile, etc., qui permettaient de retrouver la piste de l'objet. Ah oui, mais alors ça, bon, c'est là où je crois qu'il faut pas avoir la prétention de dire « j'ai fait ça, vous serez forcé de l'accepter ». Comme moi, je croyais que ça ferait rire. Et ça n'a fait rire personne. Si, moi. Enfin, je vous en donnerai à vous. Ah oui, ça, je viens de l'avoir, ce gars. Ça va mettre, mais non, là, je crois, c'est pas la peine d'obliger. Bon, ça arrive aussi dans certaines pièces. Nous avons l'habitude, enfin, ça vient un peu du music hall. Et, oui. Et, car au music hall, nous, enfin, quand j'en faisais, et mes camarades vous diront la même chose, nous tentons des effets en matinée. Bon, on rajoute des petites choses en matinée en disant, tiens, on va voir, j'ai une idée, est-ce qu'elle va marcher? Alors, si elle ne marche pas, vous inquiétez, vous dites, est-ce que je vais la laisser le soir? Alors, vous attendez quand même le soir, parce que vous n'êtes pas tellement sûr comme la matinée. Le public est moins bon. Il est moins bon en matinée. Les distributeurs voient les films à 9h du matin, comme si on ouvrait une boîte de nuit à 9h du matin. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boîte de nuit qui ouvre. Non. Alors, il fallait attendre un peu la soirée pour essayer de voir l'effet, enfin, que pouvait apporter cette intention comique. Bon, mais si ça ne marchait pas, enfin, j'étais dans l'obligation d'enlever. Pas. Et d'essayer de remplacer par autre chose. Bon, ça vient un peu, si vous voulez, c'est... La vieille école, vous pouvez, enfin, si vous interviewez Chaplin, il vous le dira, qu'avant de présenter ses films, il faisait des previews, il en avait les moyens, il pouvait le faire, et il enlevait toujours ce qui ne faisait pas rire, et il rajoutait des choses qu'il pensait porterait plus que ce qu'il avait enlevé. Mais alors justement, parlons-en de cette formation de music hall, parce que finalement on arrive au bout de cet entretien, mais il me semble que c'est considérable. Je veux dire que on a l'habitude, les historiens du cinéma font débuter Chaplin chez Max Sennett, ou Keaton chez Max Sennett, on vous fait débuter avec Jour de fête, alors que votre métier, profondément, vous l'avez appris devant le public. quoi. Oui, devant le public. C'est pourquoi je m'occupe aussi du nouveau carré de Sylvia Monfort. Parce que pour qu'un jeune puisse apprendre son métier, il est bien forcé d'être en contact avec le public. Pour apprendre à se servir de ses jambes, enfin, c'est bien le cas des footballeurs aujourd'hui, enfin, je veux dire, le jeune qui aujourd'hui joue très bien et joue plus rapidement que moi, je joue au rugby, mais jouions à l'époque, c'est bien parce qu'il a appris à jouer au rugby. Donc, s'il veut pouvoir se servir de ses jambes et de son corps avec un sens un peu de l'effet comique, il est bien forcé, ça ne peut pas s'apprendre dans une école, il est bien forcé d'être en contact avec le public. Alors aujourd'hui, la catastrophe, puisqu'on en parle et puis puisqu'il faut vous arrêter, moi je m'arrêterai en même temps que vous, mais la catastrophe c'est qu'on a supprimé toute cette école du music hall. On a supprimé, il n'y a plus de première partie. Les chanteurs qui ont à leur disposition tous les ingénieurs du son, toutes les chambres d'écho, les disques, les bandes magnétiques, la télévision, toute la publicité qui permet à un directeur de salle de faire des recettes avec un chanteur et en fait de ne plus faire de recettes avec un trapéziste ou un acrobate comique. Donc on a supprimé cette école qui, pour moi, est catastrophique. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont derrière moi, et dites-vous que, bon, j'ai aucune prétention, mais je pense, moi, non pas à ce que j'ai fait, ça me fait plaisir parce que j'ai eu le droit de le faire, mais je pense à ce qui va se produire après, oui, après nous. Bon, et je trouve qu'il devrait y avoir un mouvement, même des téléspectateurs, même de vos clients, en disant, écoutez, nous n'avons pas le droit vis-à-vis d'une nouvelle génération qui a 7 ans et 8 ans, de continuer à faire voir des chanteurs à la télévision qui en fait ne chantent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils chantent tous en blanc et alors qu'ils le disent, nous ne chantons plus. Alors que l'ingénieur du son vienne saluer, d'accord. Mais il doit venir saluer, puisque c'est lui qui a tout organisé et qui a tout enregistré. Et malheureusement, tous ces pauvres artistes de music hall, de cirque, n'ont pas de playback. Vous pouvez pas faire un numéro de trapèze volant, playback, vous allez vous rétamer, même avec filet ou sans filet. Bon, donc, on a supprimé énormément de talents, de joie d'expression, de spectacle, de danseurs, de créateurs, de tous ces gens que j'ai connus et qui travaillaient sans arrêt de 9h du matin pour essayer de s'exprimer corporellement. Et d'aller plus loin. Et d'aller de plus en plus loin. Alors vous avez tout supprimé ça. Bon, sur ce plan, je ne suis pas optimiste, mais j'espère qu'un beau jour, à force d'entendre chanter des gens qui ne chantent pas, car s'il y a une panne de courant, plus personne ne chante à l'Olympia, vous le savez très bien. Alors on viendra rechercher le jongleur, qui viendra avec ses torches, parce que lui peut au moins jongler sans lumière, même avec des lampes pigeons. Alors, vous me direz, Tati va chercher, je vous ai embêté, peut-être. Ah non, non, non, non. Non, non, mais je vous le dis, peut-être, j'en sais rien, peut-être que j'ai été bavard, peut-être que... Mais de toute façon, ce que je peux vous affirmer, c'est ce que je vous l'ai dit avec une telle sincérité. Je peux me tromper, et tout le monde a le droit de se tromper, et moi le premier. Et ça, ce n'est pas très grave. Mais j'ai essayé de vous défendre un peu, les gens que j'aimais, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Et si j'ai pu, dans tout ce que j'ai fait, aussi bien au music hall, au cinéma, apporter une certaine joie, je suis content d'avoir fait ce métier-là. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean Philippe s'entretenait avec Jacques Tati lors de deux émissions diffusées pour la première fois sur France Culture les 17 et 24 avril 1977. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site francecultures.fr à la page des nuits.